On va se baigner? Tu crois que c'est prudent? J'ai entendu dire qu'il y avait des requins par ici. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens! Oh là là! Tu as vu ça? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas vrai! Je crois que j'ai vu un aileron de requin! Arrête, c'est ton imagination. Tu vois des requins partout. Il n'y en a pas en France. Ça ne veut rien dire. Dans les dents de la mer 4, non plus, ils ne s'attendaient pas à voir un grand requin blanc. Et pourtant... Mais t'es bête ou quoi? C'est un film. Je sais de quoi je parle. J'ai regardé toutes les émissions de Jacques Cousteau. Je te jure que j'ai vu un...